de Silo Hint à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver Hint à Brezhoneck. On se retrouve pour l'émission Hint à Brezhoneck. Kentel, Pemkan, Do à Hunterkan. Pemkan, Do à Hunterkan, 552. Ça va, Henri? Ça va, oui. On commence comme d'habitude par Guerriou Arvué. Guerriou Arvué, oui. Ce sont les mots de la vie et on en choisit un à chaque émission. Voilà, alors aujourd'hui c'est un adjectif, c'est meur, M-E-U-R. C'est un adjectif qui signifie grand, mais qui est différent de brasse, qui est beaucoup plus répandu bien entendu. Quand on parle de grand, on dit brasse. Mais meur est un adjectif plus ancien et qui veut dire grand, mais dans le sens de la magnificence, quoi, hein, que ce serait grandiose, auguste, suprême, quoi, voilà. Alors, c'est une vieille racine indo-européenne, hein, qu'on trouve dans beaucoup de langues, hein. Par exemple, en sanskrit, Maharaja, le grand roi, et on le trouve aussi en gaulois, Maros, hein, Maros, qu'on trouve dans beaucoup de noms de personnes d'origine gauloise et de lieux. Par exemple, Maros Yalo, qui veut dire la grande clairière, a donné Maroal, qui est surtout connu par son fromage dans le nord de la France. Alors, c'est un mot qu'on trouve également en cornique, en gallois et même en irlandais, enfin en gaélique irlandais. Et comme je l'ai dit, c'est une racine indo-européenne qui est très ancienne. Alors, on va le trouver dans beaucoup de termes voulant dire grand, au sens un peu auguste, quoi. Hein. Skolver, par exemple. Hein. Skolver, l'université. Donc grande école en fait, hein, et dont on a tiré un adjectif qui est skolverjök, universitaire. Alors Ilisvör, une cathédrale. Mörvor, un océan, hein. Mörvein, mégalithe. Des noms de lieux comme Gerver par exemple, belle île en mer. Il y a des noms de famille aussi, hein, comme Lemeur par exemple, hein, qui est très répandu, qui était une forme de le grand, hein. Mais il y a le bras aussi d'ailleurs, hein. Le meur et le bras. Et quand on entend meur à Vèche, c'est le même meur? Oui, c'est le même meur, oui. Je vais en parler tout de suite. Voilà. Donc, un adjectif qui signifie donc grand, grandiose. Alors l'expression effectivement meureux, c'est beaucoup de, hein. Par exemple, meurvich, hein. Comme tu viens de le dire, quand ma grand-mère me disait souvent ça, meurvich meuslarzedar, hein. Je t'ai souvent dit ça. Hein. Et alors, en français, il n'y a pas vraiment l'équivalent. Alors, j'ai entendu des personnes dans le temps qui disaient souvent de fois. Je sais pas si t'as entendu, oui. Souvent de fois, qui est un petit peu désuet, hein. Voilà. Alors, meurvich meuslarzedar. Ma grand-mère disait aussi, meurejose obécreuve grand aller. Elle n'aimait pas qu'on lui dise aller, hein, pour la stimuler, quoi. Donc il y a beaucoup de chevaux qui sont morts, que ça a tué beaucoup de chevaux, cette histoire-là. Ah, meurejose obécreuve grand aller. Il y avait aussi une expression, benahan meuregui niveau harzet. D'ici là, beaucoup de chiens auront aboyé. Pour dire, beaucoup d'eau sera passée sous les eaux. Sous les ponts, oui, oui. Meurezin, hein, donc, alors il y a une mutation après meurein, hein, meuredune, meurezin. Alors en général, c'est le mot qui suit est au singulier, hein, meurezin, hein, meuregui, meurejo, meuredra, beaucoup de choses, hein. Voilà. Alors les noms de famille, donc, j'ai dit. Alors dans les noms de, il y a beaucoup de noms de lieux aussi, hein, j'ai dit Gerver tout à l'heure. Enenesveur aussi, l'île grande, hein. Les plomeurs, hein, plomeurs, plover, hein, il y en a beaucoup, hein. Breizveur, la Grande-Bretagne, hein, on trouvait ça dans le cantique de Zancado. Breizveur, wabro, on va tron. La Grande-Bretagne était le pays de notre patron, Zancado, qui était venu comme Saint-Gilda de Grande-Bretagne. Alors, des dérivés, meurdet, c'est la grandeur, hein. Meurdet, grandeur, hein, voilà. La magnificence, la, voilà. Meuriade aussi, meuriade, qui veut dire une foule, hein, une tribu, quoi. Hein. Meuriade dude, hein, un grand nombre de gens, hein. Alors, il y a aussi un adjectif qui est dérivé de ça, c'est meurbide. Hein. Meurbide qui veut dire très, extrêmement. C'est pas tellement utilisé dans le breton d'aujourd'hui, on trouvait ça beaucoup dans les cantiques. Hein. Notre oudou est meurbide 40 thésus. Hein, le Seigneur Dieu très aimant. Hein. Il y a également ne meurt, hein, qui est le contraire. Hein. Qui veut dire guerre, hein. Guerre, peu de... On en reste là ? On a fait un petit tour sur meurt, hein. Il y a sans doute des choses qu'on a oubliées, mais meurdes la majesté aussi, erwerdes, hein, donc la majesté. Hein. Et de meurdes majesté, on a fait meurdesus, qui est majestueux. Eh ben, on va finir majestueusement. On en reste là et on passe à Brezhoneg Tamm. Henri, on passe à la seconde partie, c'est Brezhoneg Tamm Tamm. Ben, on était allé faire un petit tour à Zantolec, comme d'habitude, Chanik va à Zantolec. Oui, voilà. Elle était allée voir Iwan, oui. Oui, Iwan Danteg, hein, qui est... Le producteur de cidre. Hein. Oui, à Kerizel, oui. Ouais. Et un producteur qui fait pas mal, qui sort pas mal de bouteilles. Oui, voilà. Alors, on continue à les écouter. Plein homme, maman, Iwan. En me homme, banata, yergiste. En me mentou d'or binfiu de burgiste. Dré en man et en avalo d'un ataïa. Ya, don dera en avalo en me gannen dour, gualra den yam, a kasset d'ar vilin, a zive draille d'un alo, a gen avalo marlet, vela ke d'amman balouer yo dir, pa pember. A kasset d'ar pressour goudé. Jusmat, a zi mort pressour. Ne ke d'ar pressour mot kous. Non, o pressour dipa ouze. Zelet, en avalo ya barz dré on tu, aga ya mezre en tuel, aga chuk ze ur mezre din nan. Ma de da evan. Ya, de te dan va ma peswant, Chanik. Et Chanik, elle y va, parce que de toute façon, elle fait bien son travail. Oui, oui, oui. Donc elle goûte tous les produits. Voilà. Voilà. On reprend phrase à phrase, donc, ce dialogue, pour aller un peu plus loin dans le domaine du cidre. Plairon, maman, Iwan. Oui, où sommes-nous ici, hein, plairon, maman. Alors c'est un mom, mais nous on coupe un peu, hein. Plairon, maman, Iwan. Où sommes-nous ici, Iwan? Amman omba natayer schiste. Ya. Schiste. Amman omba natayer schiste. Nous sommes dans l'atelier du cidre, hein, l'endroit où on fait le cidre. Amman tout d'or binviu de burgiste. Ya. Amman tout d'or binviu de burgiste. Hein, ici, il y a tous les outils, hein, toutes les machines pour faire le cidre d'aubergiste.

Petras au Nevervro. Ben, calze draouz au Nevervro, ou hervez, dis-vous en, crogom de diantan, et vel, kiz a custum, gander labour douar, ager vue ou ar armez. Eru on vraiment va mis heere. Trégon de l'asso, ma peu jongement, mais oui, wa yaong de houls, trégon de l'asso, ou abed d'or gor vingtaine, hein. Zewa, n'est de gor vingtaine vel so bed, nanez ou nantillez ne vaisseau, mais d'or gor vingtaine ma doa me mestra. Puis yo abed au nom was arvel vol, hein, de bemzege de vis heere. An yo a par de donz, a gande yo a l'air, oa distruge calze draou. Puis oa zard an dun yo an kav de calze draou distruge. A jongemard meus un des, puis dur oa me gred o, o nem vo de, oa resport chou gant tout de skol you labour dou ar ba, ban département, a de nonce oa m tout de tib y sembles ba skol labour dou ar kernelien. A pe oa med hier oa tout un trou hon grand en avel oa spontus, hein. Hag un de waler oa be distruge calze draou. Blas oa be distruge trou oa hag blas oa el oan kubit. Ze oa fin tu zoar hag oel pe sa mod. Hag avel dom oa. Un avel oa tom en ons ze oa dra iskiz on tom. Bon, hag calze d'un jonge de un des, hein. Bon. C'est du blanc mais au tramne de encore vingtaine mais n'est que de bêta comment et des war brouwerson mais de on tombe même ce mot d'un grand même ce golo skis on tombe ouais bid tendra jouer ce soir on tombe bon et rue et rules vraiment de derrière maïs à guelle vers la bourrière yon douar grand tracteur yo ag hier, il y a au tram, un, calze, l'arbre, zo, grand, maïs, bénéfine, l'arbre, le bras, en, de, ce, blanc, et, maïs, en, main. À, gouscoude, et, gogel, gogel, pélar, en, gogel, péouan, mi, ou, yaouang, vigé, que, maïs, bavro, vigé, morgue, de, londe, grand, betrave, grand, vouen, grand, yot, ag, trop, bla, fine, blavé, jou, hanter, quand, ou, deux, de, maïs, ou, avro, pé, so, on, drava, du, certaine, ag, on, drava, lui, tudel, bon, peut vraiment des au berne maïs au bavrou en même. Ag même schools vers leur maïs vers hier d'organise du vraiment au radlance d'organise du vrou en même. Au ardro pemcan labour du arzo hob organise du à creskira bepla. Ag j'ai fait bit on dravat qu'a dit gas avait bleu de cunis du on tombe de ce pebler de ce brochine de ce bourg Canada. Ah oui, j'ai bien moyenne de d'oberzé en même. Asie me fait bien on travaille. Gogel Gunis du Alice du Gévard le Badière Grand Nord ville in Dorn. Avigé Drema Vigé Zam de ze bleu du Gémalet. Il me change bâti au breu de Mesat cause ou au ville in 10 de Val de Mal ou Gunis du. Et qui est renquéré? Non, Zéwa Bakerlé en nouvelle pistine. OK au breu de Mesat cause il y a. Ag, vigé mal, jongemeus de zeur vilins, hein. Bon, hendel, koulze gis de ma mesmoud, hein. Koulze histin ag gis, mais, homme vec deb calze gistin, mais de geba voir djerien. Ag, urgist, vegred, evel just, hein, gant aval au trinque, aval au douze, aval au huer. A grand me vegret gismat, a gogel vijek dev me gist, vijek de guin war an dol, gwal aliz, me bremañ, a bremañ ta gist oa giz me mestra tam a tam. A pe on komz de ze gist, me zo jon, vid Gilles Barbé, Gilles Barbé, zo on den an deus labour kalz vid gist, a gezo et nan an ou ne veso, ne oa ke me tribla a hanter kan, a yen eus gred gist petit fosse, le petit fosse va merdrignac. Ag bon mesure en or venant à la bibel la bourre grand temps pewen va carnelin war dro ergiste ag yed pelre abrit de non non jiwas bon pe on comes des la pour douar alice mes be comes de tard de stéphane leur fol so ben ministre par pempla de ze la pour douar a de scrive de lever la première graine war il venozio ma peswan war l'arbre douar banam zor de zone Hag c'hallev e skrivet o lever gant o iniskoz eus la bourdouar, ge pizanin eo a gred ive. A hem eus menozio de me jonge war un agroekologie, hag eus o bouez, taler a boan l'en levers. Bon, an me vek eget kalz e guin, bavro, me straz o strolad tud o hop ur guin, hag blan me neus ke kalz e rezin, pezur o in bez kornet. Pas de neve amzer, hag me me strav o gwin mad blan me ma neptor vo me gwinoad vo. Ve gel moa komz tar de sku de ne normand, puis j'en veux que carve dans mon tin, les ont drafé un tisoir, un banovro, la maison laisse, hardi, ve zoué zizoir, hein. Ya, me zan bastali ou veke carve tin en mand, hag Stalio aura l'autre serre à Traudis et au tape fal grandi. Bon, mais je vois, même me strave au der d'or en monde, braise en main. Mais guiré les autres au brément, en que calze truyani, banolaise, azizokos, ma treizaine, n'est-ce que dans mon noir. Bon, ouelle de vos, puis un mot de vos cons. Videz et vena dur, non noir politique, reste la rien que monde, mais de vigme. Gouskou des obéis de Calzedro, discours, il y a eu grand Macron, mais non que de l'armement du voisin. En de Gomes du Stud, ce Zévenadur. D'Oigen Lasso, ou à Bézine, de Carta Zévenadur, le Breis, grand Giscard d'Estaing. De si, parce que j'onche Morgane, il me change mort de si, puis dur, Zéwa Andra Zouézus, hein. Puis dur, de Houl, ce Waka Randro, Bédois, Waka Mélène département, chou. A oa bezin me meustra garta gant kaiwar gant ur randvro de zone, quoi. Pezo a zouez uzoar. A kalz espi oa belak gant ze, vid ur vez tientan. Oa be dans arve de gant brovranz oa o zivena durel bavro am. Hag oa be de krou et an botra ou, mais pas pezo a bejon jeda. Hendel, on drane vez o roaz, on agregadur vid ur yez ou brovranz ou be krou et. Hag vid ur yez ou brovranz, un brezondek, un eskar, hag un okitandek. Hag blan me veo zuaf o poz benek de brezondek, putur ma vegred honkour e vid over o poz benek. Hag vo ba un arno d'un dre skrid vo ba miz meurs, hag un arno d'un dre gomz vo ba miz vwen. Pe miz vwen. Hag, bon, c'est tu vos un agrégat d'un brezon, hein. Mais vi mon noir à ring, et quand déjà à rapès, pétant moi au master, quoi. Minon que j'onge dans le noir à ring, hein, blanc me roisse. Bon. Zouar, même, ça me fait que mes digamères et de rigos, dans zé. J'onge me, c'est pas bé tram de, puis ouabé crou et d'un autre aigle, soir à brezon, hein. Ouais, l'un du d'autre âme, hein. Tu te causes, tu dis, on dra fin tu soir, ou habite. Bla, tiens, t'en, ou un bid, or, tramen vel calze réel, quoi. Ah ouais, l'un zol, quand tu de bub sur noite. Mais vide n'agrégat, d'un degré d'an, que je vous m'aime seconde. Bon, béplat, verreille de prise, brogoz, d'un din, pédo, strolat, à ne se gré d'un dra benek, et du brogoz, mais adou. Hag blanc me gant o skipay rugby gwen a dehet ur pris. Enfin, vi de blad de zon, on tamm rog e blad. Vi de blad triver vo rot de skipay rugby gwen et. Puis dur, Jules Gouèche pe ver match badier, ve kan et ur brogoz, quoi. Ah, c'est tu brod. Hendel bavro am ve zo par de diskar amzer zo Ba rostren a tro droz o vekilig traoù d'un dud, hein. L'ar veze festival bel auton, hein. Hag zo bet kinig kalz draoù, bale a denou, konta denou gant Alice Dufo, go bern traoù dis. Az ezo mat, ka graet ve traoù gant vid un touristen, me mat e ober traoù, vid un dud vro, hein. Az eo a jonge un office un touriste, les blam, d'or trau vid de tud de vro. Hag o concours o gret vid de naïkou et. Hag zo bet bet hag hanter mis du zo moyen de lak de gaz de Nofis Douristeles, Aïkou, Zézo Barzoneg ou Bastun Bro Japon, Azo Moyen d'Or in Galak, Pé Brezon, Pé Nespérant, Pé Bopsor Moun, Vidré, Endel et Videchui, Nahan, Oliver Zobé d'Imbande de Bagwengam, Boar Hamelia, Oliver Pen Label in Brezon, Gan au Neu Battu de un drôle de Michel Corlet, hag eus o skrive de hag Franche Moal, hag eus o skrive tout l'in brezond, hag o lever ker, eh? Hag goul o wabe gandien o raz skrit, hag eus gen un tamm raz skrit de brezond de vid de lever ze. Bon, setu un tamm de spesone ve bavro, a l'ar an dar tien norvegen. Kenno eri? Ya, tien orientant.